On va aller dans le numérique, toujours avec Raymond Poirier. Bonjour Raymond. Bonjour Jessica. Un invité aujourd'hui, Stéphane Roche, professeur au département des sciences géomatiques de l'Université Laval, puisqu'il donnera lui aussi une conférence ce vendredi à 16h30. Exactement. En fait, l'idée, c'est qu'il y a un événement qui s'appelle le Carrefour numérique, qui est offert sporadiquement, où on réunit des chercheurs de différents horizons pour explorer une même thématique. Et dans le contexte de décoder le monde autour de la thématique de la nordicité, bien, il y a quatre chercheurs qui ont été convient à partager des regards sur l'utilisation du numérique, mais dans un contexte de territoire, puisque l'aspect nordicité appelle évidemment au nord, à cette zone immense qui est encore à couvrir en partie, si on peut dire. Et donc, les conférences vont être présentées, c'est ouvert à tous, de 13h à 16h30, donc tout l'après-midi du vendredi 18 mars. Et l'une d'entre elles s'intitule « Nordique IT, revisiter les territorialités à l'ère du Nord, pardon, à l'ère du numérique », qui sera donnée par Stéphane Roche. Stéphane, bonjour. Bonjour Raymond. Et quand on parle de nordicité, quand on parle de territoire, quand on parle de nord et quand on parle de numérique, j'imagine qu'il y a pas mal de sujets, de thématiques, d'éléments qui peuvent être explorés, peuvent être réfléchis. Là. Oui, c'est une vaste question. Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que ces territoires du nord sont caractérisés par un certain nombre de contraintes, par des distances énormes, par... J'allais dire des contraintes physiques, ça c'est évident, mais aussi des contraintes en matière d'organisation du territoire. Ils fonctionnent un peu comme des réseaux de lieux, un peu comme des archipels. Et donc, évidemment, la complexité de connecter tous ces lieux-là, elle est réelle. Et quand on dit connexion, ben, c'est sûr qu'il y a un rappel à ce que le numérique peut apporter en matière de territoire. Oui, en fait, l'idée de façonner un peu la notion de distance, de la réduire à travers le numérique, entre autres choses. Là. Oui. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs qui travaillent avec les populations autochtones dans le nord du Québec qui ont déjà constaté à quel point, par exemple, les réseaux sociaux, les Facebook et autres, LinkedIn, mais plutôt Facebook d'ailleurs de ce monde, permettent de connecter les familles, par exemple, aujourd'hui permettent de conserver des liens et il semblerait d'ailleurs que chez les plus jeunes le taux de connexion à ce genre de réseau est largement aussi élevé voire plus dans ces territoires-là qu'il ne peut l'être dans les territoires plus urbanisés dans le sud du Québec. Et j'imagine, Stéphane Roche, qu'il y a quand même un dialogue qu'on peut faire entre la réalité des territoires urbains et la réalité du Nord en matière de numérique, en fait, que des éléments qui sont à réfléchir pour le Nord le sont aussi à réfléchir pour le Sud, entre guillemets. Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est parce qu'on pourrait y aller en se disant qu'est-ce que le numérique peut apporter au Nord pour régler un certain nombre de problèmes. Alors ça, c'est certain que sur la partie très, réchauffement climatique, ressources naturelles, géographie physique, il y a beaucoup de travaux qui sont faits et le numérique est très, très utilisé pour aller mieux comprendre les dynamiques du Nord, les dynamiques de réchauffement climatique, les relations entre... En quoi, par exemple, le réchauffement climatique va changer ou peut changer les relations entre les sociétés qui vivent dans le Nord et les territoires du Nord. Mais moi, l'approche que je vais prendre vendredi, c'est plutôt de me dire, compte tenu de ce que sont ces territoires nordiques, de leur histoire, de la façon dont ils se sont façonnés, de la façon dont les sociétés qui les ont façonnés ont fonctionné, qu'est-ce que ça nous dit, nous, sur la manière dont on devrait envisager le déploiement du numérique dans les villes, par exemple, et les sociétés plus urbanisées. Et c'est intéressant parce que on pourrait presque dire... sur le ton de la blague, mais on pourrait presque dire que les populations du Nord ont inventé l'Internet des objets, ont inventé les lieux connectés avant même qu'on parle de numérique. Ils avaient tout un tas de manières, l'Inukshuk en est une, mais de façon de marquer les lieux physiques de manière à ce que, sans être face à face, ils puissent communiquer les uns avec les autres et aller renseigner sur les caractéristiques de tel ou tel lieu, évidemment, de manière à ce que, lorsque d'autres arrivaient, ils puissent immédiatement tirer profit de ces lieux-là. Et en fait, quand on réfléchit à ce qui se passe dans le numérique dans nos villes, et par exemple l'utilisation de technologies comme Foursquare, dans lesquelles les gens arrivant dans un lieu vont faire ce qu'on appelle un check-in, c'est-à-dire qu'ils vont se positionner, partager leur position, et puis dire, ici on trouve... c'est tel élément, tel autre, tel restaurant, telle capacité à se connecter, etc., etc. C'est assez drôle de faire ce parallèle. Et c'est un peu ce genre de parallèle que je vais essayer de faire pour montrer que, finalement, la structuration des territoires nordiques sans numérique nous dit beaucoup sur ce que le numérique apporte ou pourrait apporter sur les territoires plus urbanisés. Donc je vais essayer de jouer sur ces parallèles-là. Et quelles vont être les inspirations principales pour Québec, la vallée du Saint-Laurent, justement, et les régions environnantes, on pourra installer ça? Excusez-moi, pardon, j'ai pas les inspirations. Oui, bah, justement, de ce qui nous vient du Nord, qui peut être inspirant pour le numérique au Québec. Bah, par exemple, on commence déjà à le voir, mais y a un parallèle que je trouve intéressant entre les espaces numériques sur le web et les espaces physiques. Et la géolocalisation, par exemple, alors là je presse pour ma paroisse évidemment, mais la capacité de géolocaliser les personnes, les objets, les phénomènes, etc., permet de rematérialiser les traces numériques. Je m'explique. Pendant longtemps, on a pensé que la vie qu'on pouvait avoir dans les espaces numériques était déconnectée de la vie plus matérielle. On pouvait aller faire des choses dans le numérique, faire des choses dans le milieu physique, puis les deux étaient disjointes. Avec la géolocalisation, ces deux composantes de la vie moderne se retrouvent complètement imbriquées. C'est-à-dire que si jamais vous vous déplacez dans l'espace physique et que vous êtes connecté avec un téléphone dans lequel est activée la géolocalisation, ben, en même temps, vous laissez des traces dans l'espace numérique. Donc, on est traçable partout. Alors, bah, évidemment, ça peut poser un certain nombre de questions d'éthique, mais ça peut aussi permettre d'assurer le suivi, par exemple, de populations en difficulté. Ça peut permettre d'aller apporter de l'aide là où il faut apporter de l'aide. Ça peut permettre, dans des situations de crise, par exemple, de localiser les personnes vers qui il faut venir en aide. Ça peut permettre d'assurer le lien. Là aussi encore, en situation de crise, on l'a vu, hein, par exemple à New York quand il y avait eu la tempête ou à la Nouvelle-Orléans ou en Indonésie, etc. Comment on peut, à travers ça, assurer la continuité du lien entre les individus de façon à ce que les familles restent en contact, par exemple, et on sait que en situation de crise, l'un des éléments de résilience, c'est la capacité à savoir où sont les proches, où sont nos proches. Ça, c'est un exemple que depuis longtemps, les populations du Nord exploitent sans numérique, cette capacité à rester en contact d'une façon ou d'une autre, en étant très innovant. Ben, c'est ce qu'on essaie de remettre en place, nous aussi, d'une certaine manière, avec le numérique, dans la vallée du Saint-Laurent, comme vous disiez. Mais j'ai l'impression, en fait, que si on gratte un brin, on parlait tout à l'heure d'archipel, en fait, l'idée que c'est vraiment des réseaux avec donc un lieu central, plein de petits lieux comme ça, qui sont un peu détachés, si on peut dire presque, et qui forment un peu le tissu du Nord en termes de population, en termes d'habitation. Mais quand on le regarde aussi, exemple, ici à Québec, ben oui, il y a la ville de Québec, mais dans la réalité, on parle plutôt d'un ensemble de quartiers. Et donc, il y a vraiment une hyper-localité, si on peut dire, qui forme ensemble une communauté plus large. Oui, absolument. Ça, on pourrait sans doute terminer là-dessus, mais c'est sûr que la manière dont les villes actuelles, contemporaines, se structurent et se restructurent, c'est clairement autour de réseaux de lieux. Puis des lieux, d'ailleurs, qui peuvent être mobiles, des lieux dont la substance peut changer. Un exemple, les plaines d'Abraham, c'est un lieu un peu emblématique dans la ville de Québec, mais si vous y allez pendant le festival d'été ou pendant le carnaval, c'est deux lieux différents ou à une autre période. Et pourtant, c'est la même localisation. Donc, un lieu urbain, c'est grosso modo la conjonction entre une localisation géographique, un événement, puis un temps donné. Puis c'est les relations qui vont être générées entre ces lieux qui vont créer des dynamiques urbaines. Et pour comprendre, on parle de ville intelligente, mais pour comprendre une ville, la manière dont elle structure, dont elle s'organise, dont elle évolue, l'enjeu, c'est vraiment d'être capable de comprendre comment ces lieux urbains interagissent les uns avec les autres. Et aujourd'hui, typiquement, les villes s'organisent autour de réseaux de lieux. C'est vrai à l'interne, mais c'est vrai entre elles. C'est-à-dire que les villes, entre elles, forment des réseaux. Et on le voit bien, d'ailleurs, on voit bien comment il y a un enjeu énorme pour les maires des villes de se connecter entre eux pour partager des ressources, des bonnes pratiques, etc., indépendamment même d'autres paliers de gouvernement comme les paliers provinciaux ou fédéraux. Il y a une vraie stratégie pour se connecter. Et donc, on est dans un enchevêtrement d'espaces réseaux de lieux. Et c'est typiquement la manière dont les espaces nordiques sont organisés depuis toujours, j'allais dire. Donc encore une fois, on a beaucoup à apprendre de la manière dont dans ces espaces-là étaient structurés. Puis ils étaient structurés tout simplement comme ça parce que le contexte et les contraintes physiques dans lesquelles les populations évoluent dans le Nord les obligent à être structurés de cette manière-là. Et pire encore, je dirais que les lieux là-bas sont aussi des lieux mobiles, parce qu'on avait des populations, un certain nombre de populations nomades, donc les villages se déplaçaient, et donc les réseaux de lieux étaient aussi mobiles. Et c'est quelque chose qu'on voit apparaître dans nos villes modernes aussi, hein. Les mobilités sont complètement changeantes, on parle d'intermodalité, on voit, vous savez, le développement de quartiers sur la base de réseaux de communication et de réseaux de mobilité et de déplacement, etc., etc. Donc nos espaces urbains sont en pleine mutation, y compris dans leur structuration et leur organisation, dans les modes de vie, dans l'espèce aussi de nivellement des comportements, hein. Il n'y a plus beaucoup de différence entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Alors, je ne sais même pas si on peut continuer à parler de milieux ruraux, sauf dans des cas extrêmes, évidemment. Mais la manière dont les populations vivent est très proche. C'est on parle plus d'urbanité plus ou moins dense que de ville et de campagne. Et donc tout ça fait qu'il y a, à mon avis, beaucoup à apprendre du Nord lorsqu'on réfléchit aux territorialités plus urbanisées, plus denses. Et parallèlement aussi, j'aurais envie en terminant de te lancer sur la question de la forêt intelligente, parce que j'imagine que c'est aussi un élément qui risque d'être abordé au fil de la conférence qui sera présentée dans cette série ce vendredi. Et l'idée, c'est qu'à la Faculté de foresterie, géographie et géomatique, vous avez un beau projet de rendre la forêt Montmorency intelligente. Oui, on a un projet, un magnifique projet, je vais pas dire le contraire, mais je pense que c'est vraiment un très très beau projet, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la forêt Montmorency, hein, l'année dernière, a été agrandie de façon substantielle, hein. C'était 60 et quelques kilomètres carrés, c'est 412 kilomètres carrés aujourd'hui. Pourquoi elle a été agrandie? Essentiellement parce que la nouvelle politique forestière fait qu'on doit envisager l'aménagement écosystémique des forêts, non plus à l'échelle des parcelles, mais à l'échelle des paysages. Ce qui est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on va être obligé de mettre en perspective l'ensemble des usages de la forêt de manière à gérer et à aménager la forêt durablement à des échelles plus vastes, et que ces 412 km² vont nous permettre, dans cette plus grande aujourd'hui forêt d'enseignement et de recherche du monde, d'appliquer ces principes-là. Et l'idée de forêt intelligente, c'est le parallèle avec la ville intelligente, c'est de connecter la forêt sur les 412 km², de faire en sorte qu'on puisse capter l'ensemble des composantes des dynamiques forestières, les flux de carbone, les flux d'eau, le transfert hydrique entre le sol et l'atmosphère, etc., etc. Et également, d'ailleurs, intégrer la dimension récréotouristique, c'est-à-dire donner la capacité à tous les acteurs, tous les usagers de la forêt, ceux qui viennent s'y promener, ceux qui viennent faire du sport, de disposer d'applications qui vont leur permettre de partager leur expérience de la forêt. Parce que cette expérience-là, c'est aussi une composante des dynamiques forestières. Et on va aussi, puis je vais terminer là-dessus, mais s'organiser, parce qu'on a des chercheurs qui sont plus des biologistes dans la forêt, et on va aussi utiliser des capteurs pour suivre un certain nombre de populations animales, des oiseaux, des petits mammifères, des insectes. Et pas seulement parce que les biologistes aiment ça, mais aussi parce que la présence ou l'absence de certains animaux dans certaines parcelles de forêt est révélatrice de l'état de santé, par exemple, de la forêt. Est révélatrice de... Et donc, nous donne des indices sur est-ce qu'il faut intervenir, qu'est-ce qu'on peut faire si une espèce disparaît ou réapparaît au contraire, etc. Donc la forêt, c'est un environnement très complexe dans lequel les humains, les dynamiques naturelles, les animaux, les arbres, etc., cohabitent, et tout ça fait la dynamique. Et être capable de comprendre cette dynamique, c'est effectivement quelque chose d'excessivement complexe, et surtout si on veut essayer de la comprendre à des échelles variables, c'est-à-dire passer de l'arbre, j'allais dire, jusqu'au paysage beaucoup plus vaste. Alors, des projets qu'on pourra découvrir, entre autres, des réflexions et des projets ce vendredi 18 mars. Stéphane Roche, professeur au département de sciences géomatiques à l'Université Laval, également vice-doyen à la recherche de la Faculté de foresterie, géographie géomatique. Merci. Merci beaucoup, Raymond. Et je mentionne, en fait, outre la conférence de M. Roche sur les territorialités du Nord et l'ère numérique, il y aura aussi des présentations sur des outils qui sont utilisés par les chercheurs pour comprendre, pour analyser le territoire, sur l'enseignement à distance, l'idée de mettre en réseau des écoles, également l'utilisation, on en a parlé un peu, par les peuples autochtones et les régions éloignées également, donc de l'Internet, des médias sociaux. Donc ça, ce sera vendredi 18 mars, donc c'est de 13h à 16h30 au Musée de la civilisation. L'entrée est libre et c'est vraiment ouvert à tous. Alors ne manquez pas d'y aller si vous avez votre après-midi de libre ce vendredi. Merci beaucoup Raymond Poirier. Ça me fait plaisir.